Chapitre 19e. Les jours, les semaines s'écoulaient, mais sans apporter à Kleinwalde le bonheur rêvé. Bien au contraire, un malaise général régnait, allait s'accentuant chaque jour. La veuve Treumann commençait à s'inquiéter sérieusement de l'attitude d'Anna. Une jeune personne, qui s'était montrée au début si affectueuse, si tendre, tranchant le mot, si ridiculement enthousiaste, que lui était-il donc arrivé? Pourquoi montrait-elle cette apathie, cette indifférence devant les incontestables séductions de Karlsson? Aurait-elle dépensé tout d'abord de tels trésors de sympathie que la source en était tarie, qu'il n'en restait plus une parcelle à donner à un si charmant garçon? Non, une pareille supposition était absurde. « C'est la Penheim !» se disait-elle. « Ce ne peut être que la Penheim. C'est elle qui empoisonne son esprit contre nous. Et cela sans aucune raison, par pure méchanceté. » Serpent, vipère. Ah, ne l'avais-je pas pensé dès la première heure qu'elle nous serait fatale? Et n'ai-je pas tout fait pour nous la concilier? Si Frau von Treumann se tourmentait du peu de progrès de ses petits plans, Anna de son côté était la proie de grandes perplexités. Rien ne marchait comme elle l'avait espéré. Non seulement l'accord parfait tardait singulièrement à s'établir entre elle et ses invités, mais il y avait dans la manière d'être de ces dames des choses qui la déconcertaient, qui la peinait à toute heure. Pourquoi Frau von Treumann était-elle sans cesse embusquée, prête à lui fondre dessus pour vanter cet odieux Karlsson? Pourquoi Fräulein Kuhraubor, la suivant avec une humble affection canine, semblait-elle toujours sur le point de lui faire une confession, qui toujours s'arrêtait à mi-chemin sur ses lèvres? Pourquoi enfin la baronne lui marquait-elle cette froideur glaciale, l'appelant Miss Escort, repoussant systématiquement ses avances, se livrant à des commentaires aigres doux sur chacun de ses actes? On dirait qu'elle me déteste. Pourquoi? Pensait Anna, étonnée. Pour une raison très simple. Parce qu'Anna était plus jeune, plus jolie, plus riche et mieux portante qu'elle. La baronne la détestait pour toutes ces raisons, mais bien plus encore pour la gratitude qu'elle savait lui devoir. Elsa Helmreich ne pouvait se résigner à cette idée qu'elle devait de la reconnaissance, et peut-être cette manière de voir ne lui est-elle pas exclusivement réservée? La plus rare des affections est sans doute celle du débiteur pour le créancier. Chaque soir, retirée dans sa chambre, Anna, méditant sur le jour écoulé, demeurait confondue de le trouver si vide, si décevant. Quand donc commencerait la vie rêvée, d'intime communion, de confiance et d'amour, la vie meilleure? Leur temps était rempli du matin au soir, et que faisait-elle? Rien, rien. Parler pour ne rien dire, travailler à l'aiguille pour fabriquer des objets inutiles, se promener sans but, écrire quelques lettres dont on pouvait se passer, jeter les yeux sur un journal qui n'intéressait personne, manger, boire, dormir, était-ce donc là l'existence idéale? Le but, la fin dernière pour laquelle nous sommes placés ici-bas? Par les choses d'après-midi, à l'heure où ses sœurs avaient coutume de se livrer aux douceurs d'une bonne petite sieste, Anna seule et mélancolique dirigeait ses pas vers la forêt ombreuse et là, dans quelque coin perdu, cherchant toujours une échappée qui lui montrât un pan de ciel bleu, quelques clairières ensoleillées, l'exquise verdure des jeunes pousses nichées au pied des chênes séculaires, elle réfléchissait, méditait jusqu'à en être lasse. Un sujet de souci grandissait, s'imposait entre tous. Impossible de s'illusionner sur les intentions de Karlsson. Une très jolie personne ne va pas dans le monde pendant plusieurs seasons sans acquérir des lumières particulières sur certains points délicats. Karlsson, de toute évidence, était fermement résolu à l'épouser. De son côté, Anna était non moins fermement résolue à n'épouser point Karlsson. Et que d'ennui lui présageait ses résolutions opposées. D'abord, les insupportables fadeurs de la cour préliminaire, puis, lorsque cette cour aurait pris une allure assez définie pour lui fournir l'occasion de s'expliquer avec franchise et fermeté, quelle scène tumultueuse n'aurait-elle pas à subir? Elle voyait, elle entendait déjà la mère de Karlsson. Et quand cette mère offensée serait partie en secouant sur Kleinwalde la poussière de ses souliers, Anna se trouvait face à face avec son four numéro un. Au fond, tout au tréfonds de son cœur, Miss Escort sentait bien que Karlsson, après tout, lui rendrait service en la délivrant de Frau von Treumann. Car chaque jour cette vérité se faisait plus évidente, il ne pourrait jamais y avoir entre elles de véritable amitié. Les mensonges du commencement étaient pardonnés. Mais faudrait-il éternellement passer l'éponge sur des mensonges? Sous les subterfuges écrits ou parlés qui avaient entouré la venue de Carlson, combien odieux, dégradant. Non seulement la vérité est belle en soi, d'une beauté absolue, pensait Anna, mais elle est nécessaire ou plutôt indispensable comme base à une amitié solide. Comment une âme approcherait-elle une autre âme à travers un voile de fausseté? Chose plus pénible encore que les mensonges mêmes, oui, plus pénible, Anna le confessait à regret. Frau von Treumann tenait évidemment son intelligence en très piètre estime. Non seulement elle la croyait naïve, inexpérimentée, mais il fallait qu'elle la considérât comme stupide, pour n'avoir pas pris un peu plus de peine à déguiser ses trames. Anna se méprisait pour la mortification que lui causait cette attitude, mais elle se sentait mortifiée, quoi qu'elle en eût. Un philosophe de profession même souffrirait de se voir considéré comme une imbécile après plusieurs semaines de relations assidues. Et Anna n'était rien moins que philosophe. « Je crois, dit-elle, certains jours où Manske parut avec une nouvelle cargaison de lettres, je crois qu'il vaudra mieux attendre un peu avant de choisir mes autres protégés. » La gracieuse demoiselle serait-elle fatiguée de faire le bien? S'écria vivement le pasteur. « Pas le moins du monde. Je désire beaucoup faire le bien, » répliqua la pauvre Anna. « Mais ce n'est pas si facile. J'ai découvert pourtant 9 cas nouveaux. Du plus haut, du plus pressant intérêt. Peut-être plus tard, ne trouverons-nous pas? Oh si, si, croyez-moi, attendons encore. En automne peut-être. Rien ne presse. Il faut d'abord s'occuper du bonheur de celle-ci. Vous savez, n'est-ce pas, qu'elles sont ici pour être heureuses, ajouta-t-elle un peu triste. Sans nul doute. Et comment ne pas l'être dans cette demeure, à ce foyer chrétien, entouré de tout ce qui fait la vie belle et douce, n'est-ce pas? Murmura Anna rêveuse. C'est gentil ici, on devrait s'y plaire. Et pourtant, pourtant. Pourtant? Interrogea Manske, surpris. Je ne suis pas certaine qu'elles y soient heureuses. Pas certaine? Répéta-t-il confondu. Qu'est-ce donc qui constitue le bonheur pour des gens ordinaires, normaux, des gens comme tout le monde? Continue la jeune fille, pensant tout haut et n'attendant nullement une réponse. La crainte du Seigneur! Répliqua promptement le digne pasteur, réponse imprévue qui mit une fin immédiate à la conversation. Mais ce n'était pas uniquement ses soucis à propos des élus qui tourmentaient Anna. Delvig avait accepté son refus définitif de bâtir la briqueterie avec tant d'insolence, et dans sa rage, il avait dit des choses si étranges au sujet de M. Delhomme que, perdant patience, Anna lui signifia brusquement son congé. La scène lui fut fort pénible. Et elle en sortit toute pâle et tremblante. Depuis longtemps, elle se proposait de prier Axel, de se charger de sa besogne, le cas échéant. Mais sous le coup des insinuations intolérables de cet homme, insinuations à demi comprises seulement, ou ne paraissant que plus odieuses, elle avait fait personnellement l'exécution. Or, le contrat passé avec l'oncle Joachim stipulait que le régisseur serait prévenu de son congé 6 mois à l'avance, et certainement il se prévaudrait de ses droits. Que de méfaits ne pourrait-il pas perpétrer pendant cette période? Axel, mis au courant de la situation, offrit spontanément à Miss Estcourt de se constituer surveillant de sa propriété, et l'accepta avec beaucoup de reconnaissance, car non seulement sa subsistance propre, mais celle de ses protégés dépendait du bon rendement du bien. Abandonnant Maeterlinck, elle se fit prêter par son voisin divers ouvrages d'agriculture ou traitant d'élevage, et se mit à les étudier vigoureusement, apprenant par cœur tous les matins de longues pages relatives aux deux produits principaux de son bien, les pommes de terre et les porcs à l'engrais. « Après tout, il ne peut guère vous nuire, » disait Axel. « Les pommes de terre sont plantées, et quel mal peut-il faire aux pourceaux? Quand ce ne serait que par amour-propre, il tiendra à laisser la propriété en bon état. On m'a parlé d'un brave homme pour le remplacer. Voulez-vous que je le voie? » « Comme vous êtes bon !» s'écria Anna, reconnaissante. Elle se sentait rassurée par la seule présence de M. Delhomme. On est bien forcé de s'aider les uns les autres dans ces pays perdus, faisait M. Delhomme d'un ton posé. Il se surveillait vis-à-vis d'elle depuis sa mémorable promenade en forêt, et bien qu'il eût appris les visites de Carlson, il n'en soufflait mot. De son côté, Miss Estcourt se taisait. Plus elle apprenait à connaître ses sœurs, moins elle éprouvait le besoin de parler d'elle avec Axel surtout, et d'ailleurs, comment lui révéler les projets de Frau von Treumann? si bien que leur mutuelle confiance paraissait avoir subi un temps d'arrêt. C'est sur ces entrefaites que Letty, jusqu'ici la seule consolation d'Anna, devint à son tour une source de tourment. La fillette avait accepté avec une exceptionnelle bonne grâce d'aller prendre des leçons d'allemand avec Herr Klutz. Chaque jour, elle et Miss Leach partaient sans un murmure pour entrer d'humeur calme et joviale. Elle rapportait souvent un souvenir du presbytère, aujourd'hui quelques narcisses, demain un bouquet de lilas, des gâteaux pétris de la propre main de Frau Manske. Anna acceptait les fleurs, mangeait les gâteaux et envoyait un gracieux remerciement. Si elle avait eu moins de soucis au sujet de Delwig et des petites particularités de ses protégés, le mutisme de Letty sur ses leçons l'aurait frappé, et elle l'aurait certainement interrogé. Pas ombre de récrimination sur la difficulté de la syntaxe allemande, aucune allusion amère à Schiller ou au culte des muses. Un jour, rencontrant Klutz dans les bois, Anna l'interrogea sur les progrès de son élève. « Colossaux !» répliqua-t-il en roulant les yeux. « Les progrès de la gracieuse demoiselle sont colossaux !» Et prenant la main que lui tendait Miss Escort, il serra les briser ses doigts délicats en lui décochant un regard enflammé tandis que ses oreilles se coloraient d'un ardent cramoisi. C'était là sa manière de rougir, mais Anna ne prit pas garde à ses oreilles. « Frau Manske est vraiment trop bonne, » dit-elle devant un dernier bouquet de dimensions gigantesques que Letty pouvait à peine le porter. « Je ne veux plus qu'elle dévalise ainsi son jardin pour moi. » J'ai essayé de lui dire que vous vous faites scrupule d'accepter toutes ces fleurs. Mais elle n'a pas paru me comprendre, dit Miss Leach. Elle lui enseigne à faire ces petits gâteaux que vous avez trouvés bons l'autre jour, vous rappelez-vous? Anna montait le bouquet dans sa chambre, y pressant ses lèvres en chemin. Elle le plaça dans un grand vase, devant la fenêtre, et ce ne fut que plusieurs jours plus tard, quand il commença à se faner, qu'elle découvrit un billet caché dans les feuilles. Elle le prit et lui l'adresse. À la très noble Fräulein Anna Estcord. Déchirant vivement l'enveloppe, elle y trouva une feuille de papier à lettres enjolivée d'une guirlande de fleurs peintes, telle celui dont se servent les amoureux naïfs des chambrières, et portant ce quatrain en anglais, d'une écriture tortueuse et à peine lisible. « Je suis de la terre et toi du ciel. Je suis la pâte et toi le levain. Je ne veux autre ciel que toi. Anna, Anna, pitié pour moi. » Augustus Klutz, candidat. Comme en un éclair, elle se rappela la résignation inexplicable de Letty, son courage à ses leçons. Mon Dieu, que s'était-il passé? Et où pouvait être Miss Leach, tandis qu'advenait pareille chose? Ce fut une tantane inconnue, terrible, le front chargé de nuages et les yeux pleins d'éclairs, qui vint au devant de Letty ce jour-là, à son retour du presbytère. Bonté du ciel, tantine! « Est-ce que le feu serait à la maison ?» s'écria Letty pesamment. N'empêche qu'elle se sentit froid de la nuque au talon en la suivant dans sa chambre. « Qu'est-ce que cela ?» demanda Anna en lui montrant le papier. « Comment avez-vous osé, Letty ? Car naturellement, c'est vous qui avez écrit ces lignes stupides. Herr Klutz ne sait pas l'anglais. »« Non, il se gêne, comme il passe les nuits à l'apprendre. »« Répondez ! Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ?» répéta Anna, frappant le papier de sa main. « C'est gentil, n'est-ce pas ?» fit Letty, essayant de rire. « Il a fallu changer un peu la dernière ligne. Ce n'était pas un quatrain original, excepté Anna, Anna. C'était un valet de pied à la maison. Vous vous rappelez, celui que maman paye moins cher parce qu'il lui manque un doigt. Eh bien, il l'avait envoyé à Hilton pour sa fête. Elle était joliment contente. » La dernière ligne, c'était « Hilton, Hilton, pitié pour... » Comment en êtes-vous arrivé à parler de choses aussi inconvenantes, aussi déplacées, avec Herr Klutz, et à propos de moi, encore? Ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est lui, pleurnicha Letty. Le premier jour que Miss Leach a été à la cuisine. À la cuisine? Ben, elle y est tout le temps avec la Frau Pastorin. Même, nous vous avons apporté des gâteaux et vous avez été contente comme tout. Alors, au lieu de prendre votre leçon d'allemand, voilà à quoi vous vous occupiez avec Herr Klutz? Demanda Anna. Ses yeux, sa voix, firent trembler Letty. Elle se mit à frotter ses pieds l'un contre l'autre, les yeux sur le tapis en murmurant. « Oh, à quoi ça sert de se fâcher? C'est comme M. Jessop, voilà tout. Miss Leach ne s'est pas fâchée, elle au contraire, quand M. Jessop a commencé. »« Miss Leach ?» répéta Anna sans comprendre. Miss Lynch serait au fait de cette odieuse histoire. Mais non, non, quand je me tue de vous répéter que c'est un secret, il m'a fait jurer de n'en souffler mot devant âme qui vive, pour quelque temps au moins. Car avant le mariage, il faudra bien... Le mariage ? Quelles insupportables sornettes, racontez-vous là ! C'est bien ce que je lui ai dit. J'ai dit « marié, zut ». Il a dit « quoi, zut ?» Et j'ai dit « ça, donc ?»« Mais quoi, enfin ?» s'écria Anna, exaspérée. « Et de se marier avec vous ?» Je lui ai dit « zut, je ne pouvais pas mieux dire, pas. » Mais il ne savait pas ce que ça voulait dire. Il l'a cherché dans le dictionnaire et ne l'a pas trouvé. Alors c'est comme si je n'avais rien dit. Anna la contemplait avec un mélange de désespoir et d'indignation. « Est-il possible que vous ne compreniez pas l'inconvenance, l'odieux de votre conduite, Letty ? C'est navrant. »« Alors si Miss Leach vous perd de vue une minute, voilà de quoi vous êtes capable. »« Mais puisque ce n'est pas moi qui ai commencé. »« Et vous avez pu nous tromper, abuser de notre confiance, continuer si longtemps ce méprisable manège, sans un remords, sans éprouver un instant le désir d'en parler à Miss Leach ou à moi ?» Les larmes de Letty commencèrent à couler pour tout de bon. « Je n'avais jamais vu d'amoureux avant, et ils sont si drôles. »« Alors toutes ces fleurs venaient de lui ?»« Oui, » Letty sanglotait. « Il croyait que je savais qu'elles venaient de lui ?» Pas de réponse. « Le croyait-il ?» répéta Anna, inexorable. « Oui. »« Vous êtes une mauvaise enfant. » prononça sévèrement et tristement Miss Estcourt. « Je suis déçu en vous, Letty. » Vous avez mis un mensonge en action, et cela pendant de longs jours, ce qui est plus vil encore que d'en prononcer. Vous m'avez odieusement trahi. Je crois que vous ne comprenez même pas la laideur de votre conduite. En vérité, je l'espère presque. Bien entendu, les leçons d'allemand sont finies. Et je vais probablement vous renvoyer à votre mère. Sortez ! Et du doigt, elle désigna la porte. La coupable se retira, suffoquée par les sanglots. Ni Letty, ni Miss Leach ne parurent au dîner ce soir-là. Chacune demeura dans sa chambre, animée dans les larmes et la désolation. Miss Leach ne pouvait se pardonner sa négligence et son aveuglement. Un jeune homme si convenable, si tranquille, et sur le point d'entrer dans les ordres, répétait-elle, consternée. Et des larmes amères roulaient sur ses joues et le long de son nez pointu. Et tandis que Miss Leach se lamentait vainement, Letty, la figure cachée dans son oreiller, pleurait toutes ses larmes. Elle qui avait voulu si bien faire. Recommencer le drame émouvant de M. Jessop et amener un soupirant au pied de sa tante. Miss Leach n'avait-elle pas répété 100 fois qu'une femme ne peut recevoir de compliments plus flatteurs qu'une demande en mariage? Au fond, Letty savait mieux que personne que Herr Klutz n'était pas fait pour épouser Anna, car l'amoureux transi appartenait manifestement à une classe inférieure de la société. Ces gens qui se rongent les ongles, portent des souliers à clous et n'épousent jamais vos tantes. Mais enfin, ah, quelle petite! Tante Anna pouvait toujours dire non, au moment suprême, et après tout, il n'y a pas de quoi se gendarmer si les gens deviennent amoureux de vous. Et pour amoureux, ils l'étaient, raisonnait Letty. C'était bien romantique. D'ailleurs, personne ne pouvait dire qu'elle l'avait encouragé. Au contraire. Au contraire. Et c'était justement la manière qu'elle avait choisie pour décourager le prétendant qui pesait si lourdement sur la conscience de l'infortunée Letty. Il lui faisait répandre de si abondantes larmes. Car elle le sentait bien maintenant. Anna, si elle venait à l'apprendre, trouverait cet épisode plus désobligeant encore que tout le reste. Letty s'arrachait les cheveux de désespoir. Comment se tirer de là? Que faire, que dire pour réparer sa dernière, sa plus terrible inconséquence? Hélas, elle n'avait rien trouvé de mieux pour décourager le pèlerin d'amour, que de lui adresser quelques vers écrits sur le papier à lettres au chiffre de sa tante et signés en toutes lettres du nom d'Anna. Quand elle l'avait réduit au désespoir, en ne recevant pas de réponse à son quatrain, prenant le ciel à témoin de sa douleur, jurant que le trépas serait son seul recours, que pouvait-elle faire? Pauvre jeune homme, pauvre, pauvre garçon, avait pensé Letty, il est au comble de la douleur. S'il se portait à quelque extrémité, s'il a tenté à ses jours, si nous le voyons périr sous nos yeux à la fleur de l'âge. Car si le langage de Letty était inélégant, ses pensées prenaient volontiers un tour romanesque. Il faudrait penser la blessure d'une main légère, délicate. Si Tante Anna s'en mêle, tout est perdu. elle lui administrera quelque terrible rebuffade et ne le plaindra même pas. Non, c'est à moi que ce devoir incombe, c'est à moi de le consoler. » Et elle avait veillé jusqu'à les heures indues, suant sang et eau pour produire un poème destiné à consoler tout en décourageant. Il lui coûta des peines infinies, mais une fois terminée, elle se rendit cette justice que tant de labeur n'avait pas été vain. Recopiée de sa plus belle main sur le papier à lettres d'Anna, plié avec art et noué d'un ruban rose, il fut remis en secret au soupirant, attaché à un brin de muguet. Voici cette œuvre. Amer regret, décevante espérance. Ne pouvant t'appeler mieux, ô bien-aimé, les circonstances, hélas, s'y opposent. Et pourquoi ? Mon âge est en cause, comme aussi ta position. Crois-moi, écoute mes avis, et dans les larmes, trouvons la résignation. Anna. Or, cette page d'amour reposait en ce moment, elle ne pouvait avoir aucun doute à ce sujet, sous le cœur palpitant du jeune Klutz.